Ok, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Aujourd'hui, on est rendu à l'endroit dans le livre où le cheikh explique un autre point en ce qui concerne al-shirk al-akbar. Maintenant, le premier point c'était al-shirk, parmi les exemples de shirk akbar qu'il a donné, juste pour se souvenir. C'était الشرك شرك في الخوف الشرك dans la crainte d'Allah ou dans la crainte الشرك dans la crainte. Le deuxième c'était الشرك في المحبة الشرك dans l'amour. Et le troisième maintenant qu'on va faire aujourd'hui c'est الشرك في التوكل, c'est-à-dire الشرك dans la confiance, c'est-à-dire de dépendre sur ou de mettre sa confiance sur quelqu'un. Donc le شرك il explique التوكل في اللغة معناه الاعتماد والتفويض وهو من عمل القلب يقال توكل في الأمر إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان إذا اعتمدت عليه والتوكل على الله من أعظم أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Donc, le cheikh il explique que dans la langue arabe, at-tawakkul a deux significations. At-tawakkul, il veut dire al-i'timad et at-tafwid. Al-i'timad, c'est s'appuyer sur quelque chose. Prendre le support de quelqu'un ou demander le support ou s'appuyer sur quelque chose. Demander le soutien, quelque chose comme ça. Ça, c'est au point de vue linguistique. Et at-tafwid, c'est-à-dire, tu remets la chose entre les mains de quelqu'un. Voilà, tu t'abandonnes à cette personne. Et il dit que c'est une action du cœur. At-tawakkul, c'est quelque chose qui part du cœur, en fait. C'est sûr que ça se reflète par des actions, sauf que ça part du cœur. La confiance qu'on met en quelque chose, ça commence par le cœur. Donc, c'est ça. Puis après, il dit, on dit par exemple en arabe, tawakkal fil amr, idha damina al-qiyam bih. Par exemple, si quelqu'un garantit qu'il va faire quelque chose pour toi, il dit par exemple, je te mets ça sur ta responsabilité, ou bien je dépends sur toi pour que tu fasses quelque chose pour moi. La personne, elle fait confiance à une autre pour que cette personne-là fasse quelque chose pour lui. Ou bien, وَكَّلْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ إِذَا أَتَمَدْتَ عَلَيْهِ. Je remets cette affaire entre tes mains, ou en ta responsabilité, pour dire, lorsque tu mets quelque chose à la charge de quelqu'un, ou tu lui donnes un travail à faire ou quelque chose à faire, si tu mets ta confiance en cette personne-là pour l'accomplir. Et le chef il dit que at-tawakkul, c'est-à-dire la confiance en Allah, de mettre sa confiance en Allah, ça fait partie des plus grandes formes d'adoration qui existent. Et il est obligatoire de le rendre uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'on doit uniquement mettre notre confiance en Allah seul, d'accord. Si on met notre confiance en autre que Allah, on n'a pas accompli le tawhid d'Allah dans l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ça c'est une des preuves pour montrer que ça fait partie des adorations, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. C'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vraiment vous êtes des croyants. Donc, on voit que at-tawakkul, c'est une condition pour la foi. Parce que Dieu, dans ce verset-là, dit « in kuntum mu'minin » si vous êtes des croyants. Donc, c'est comme si pour dire, si vous mettez votre confiance en Allah, vous êtes des croyants. Si vous ne mettez pas votre confiance en Allah seul, vous n'êtes pas des croyants. Donc, quand on lit des versets comme ça, c'est comme ça qu'on doit essayer de comprendre. Et le cheikh il dit, وَالتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَقْسَامٍ. Donc le cheikh il dit, il y a des catégories dans la, dans le fait de mettre sa confiance en Allah. Il y a différents degrés ou différentes catégories de, dans ce sujet. Et le chef, il en mentionne trois dans ce livre. Ok? Il les a mentionnés et il les a divisés en trois catégories. Et chacune de ces catégories-là a un degré différent en ce qui concerne la croyance. Chaque degré a une degré, on peut dire que c'est un sort de degré d'importance ou degré de gravité dans la contradiction de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier, le cheikh il dit, أَحَدُهَا أَتَّوَكُّلُ فِي الْأُمُورِ الَّتِي لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا إِلَّا اللَّهِ كَالتَّوَكُّلِ عَلَى الْأَمْوَاتِ وَالْغَائِبِينَ وَنَحْوِهِمْ مِنَ الطَّوَاغِيثِ في تحقيق المطالب من النصر والحفظ والرزق أو الشفاعة فهذا شرك أكبر. الشيخ يقول comme premier exemple de première catégorie, c'est de mettre sa confiance dans les choses que seul Allah est capable de faire. D'accord? Et c'est comme quand tu mets ta confiance en des personnes qui sont déjà mortes ou des gens qui sont absents. Et par exemple, ou d'autres parmi les idoles qui sont adorées. Et tu mets ta confiance en ces gens, en ces choses-là, ou en ces gens-là, dans le but de te donner, ou de chercher la victoire, ou de te protéger, ou de te donner un risque, une subsistance, ou bien d'intercéder en ta faveur. Tout ça, c'est des exemples de chef majeur. D'accord? Dans le sens que, par exemple, si tu dis, je m'en vais en voyage, et puis j'ai peur d'avoir un malheur pendant ce voyage, ou un accident, alors je vais demander la protection d'un wali, ou d'un chef, ou je vais mettre une amulette, et puis je vais croire que cette amulette-là va être capable d'éloigner de moi un mal qui pourrait m'atteindre. Ça, c'est des exemples de shirk akbar. Ok? Et le shirk, ensuite, il mentionne comme deuxième catégorie, التوكل في الأسباب الظاهرة. كمن يتوكل على سلطان أو أمير أو شخص حي قادر فيما أقدره الله من عطاء أو دفع أو دفع أذى ونحو ذلك. فهذا شرك أصغر لأنه اعتماد على الشخص. Donc le cheikh il explique, il dit comme deuxième catégorie de mettre sa confiance en quelqu'un sur les causes qui sont apparentes. Comme par exemple le cheikh il donne comme exemple de mettre sa confiance en un dirigeant ou un chef ou en une personne qui est vivante et qui est capable de faire quelque chose que Allah lui a destiné, comme par exemple de donner quelque chose ou de protéger contre un mal. Il dit ou des choses de ce genre. Il dit ça c'est une forme de shirk mineur. C'est-à-dire que c'est un shirk mais c'est pas quelque chose qui te fait sortir de l'islam, car tu mets ta confiance et tu t'appuies sur une personne. Et moi j'ai lu cette explication et puis j'ai trouvé que il manquait quelques clarifications sur ça. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce que c'était un peu vague, l'énoncé était un peu vague. J'ai retourné dans un autre livre et j'ai trouvé une explication d'un autre chef, Ibn Uthaymin, et lui il explique, il rajoute quelques exceptions ou quelques clarifications sur ça. Sur cette catégorie-là, il dit, قال ابن عثيمين مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عليه المتوكل عنه. Donc, qu'est-ce que le chef ibn Uthaymin veut dire? C'est que lorsqu'on dit que tu mets ta confiance sur un sultan, sur un dirigeant ou un chef ou une personne qui est vivante et qui est capable de faire quelque chose, c'est-à-dire que tu crois que cette personne-là peut t'aider, mais tu as le sentiment que cette personne-là est au-dessus de toi elle est élevée, puis que toi tu es bas. Ok. Et puis il rajoute un autre détail, c'est que يقول ابن عثيمين أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن الله هو الذي قدر ذلك على يده فهذا لا بأس به إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح في حصوله. Donc le cheikh il dit, mais si la personne met sa confiance sur cette personne en tant que cause, et comme par exemple il met sa confiance sur cette personne là en disant ce n'est qu'une cause et que c'est Allah qui l'a wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, yani que c'est Allah qui l'a destiné cette cause là il a destiné que cette personne là soit une cause dans cette dans ce problème, ou dans qu'il soit capable de m'aider dans cette chose là yani, alors il n'y a pas de problème dans ce cas là par exemple, il va aller demander au chef ou au dirigeant ou à un être humain quelconque yani, de venir t'aider sur, par exemple, pour arranger ta voiture, d'accord, et tu crois que yani, c'est Allah qui a fait que cette personne-là soit une cause pour t'aider dans ça, et tu crois pas que yani, c'est cette personne-là d'elle-même qui peut t'aider sans la volonté d'Allah, sans que Allah l'ait prédestiné. Tu vois, donc, si tu appelles cette personne, tu crois qu'elle va être une cause dans cette aide, et que tu crois que yani, c'est Allah qui a fait de cette personne-là la cause, et que cette personne-là est réellement capable de t'aider, yani, qu'elle a les capacités nécessaires pour t'aider, dans ce cas-là, alhamdulillah, c'est accepté, c'est pas un chef à prendre, c'est quelque chose qui est permis dans l'islam. Mais si par exemple tu dis bon, j'ai besoin d'une personne, de quelqu'un pour venir m'aider pour enlever ma voiture, mais cette personne-là n'a aucune connaissance de la mécanique, par exemple. Alors là c'est autre chose, tu comprends? Parce que yani, comment elle pourra t'aider à enlever la voiture si elle ne connaît rien dans les voitures? Peut-être tu penses qu'elle a un pouvoir spécial pour juste en mettant sa main sur la voiture. Ça, elle va être réparée. Ça, c'est, tu comprends, ça, c'est en dehors de la yani, capacité d'un être humain ordinaire. Alors, c'est pour ça que yani, le chef a mentionné la condition « إِذَا كَانَ لِلْمُتَوَكَّلْ عَلَيْهِ أَثَرٌ صَحِيحٌ فِي حُصُولِهِ » C'est-à-dire qu'il faut que la personne en qui on demande l'aide ou qu'on cherche, qu'on met sa confiance en lui pour, par exemple, nous aider dans cette situation-là, est réellement une capacité d'avoir un effet réel sur la chose. Non. Donc ça c'est le deuxième cas. Et le troisième cas, dans le sujet de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le cas dans lequel le cheikh dit « At-tawakkul alladhi huwa inabatu al-insani man yaqumu bi'amalin anhu mimma yaqdiru alayh » كبيع وشراء فهذا جائز. Donc le cheikh il dit c'est par exemple de mettre sa confiance en prenant quelqu'un comme représentant pour à notre place pour faire une action. On prend quelqu'un qui va remplir une responsabilité en notre nom, comme il sera responsable de notre affaire à notre place. Donc quelque chose qu'il est capable de faire. Dans ce cas-là, comme par exemple d'acheter ou de vendre, dans ce cas-là, c'est permis. Comme par exemple, moi je vais demander à mon frère Mohamed, je vais lui dire, je te mets comme responsable de mon commerce. Et c'est toi qui vas vendre et acheter en mon nom. Donc qu'est-ce qui est halal? Dans ce cas-là, je lui fais confiance en ça. Mais yani, c'est dans quelque chose qui est halal et yani, dans ce cas-là c'est permis. C'est pas comme mais le cheikh il mentionne après, il dit walakin laysa lahu an ya'tamida alayhi fi husul ma wakalahu fihi bal yatawakkalu ala Allah fi taysir umurihi allati yatlubuha bi nafsihi aw na'ibihi li'anna tawkil ash-shakhs fi tahsil al-umur al-ja'iba min jumlat al-asbab والأسباب لا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى الذي هو مسبب الأسباب وموجد السبب والمسبب. Donc, le Cheikh il explique, il dit, par contre, on ne doit pas mettre sa confiance, on ne doit pas s'appuyer sur cette personne qui va nous représenter pour avoir, on ne doit pas mettre s'appuyer sur cette personne-là pour que le bien arrive dans cette entreprise. On doit toujours mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il facilite les choses et pour faciliter les choses qu'on recherche, soit par nous-mêmes ou par notre représentant. Ok? Parce que le Cheikh il dit, parce que lorsqu'on prend une personne pour qu'il soit par exemple notre représentant dans une affaire qui est halal, alors ça fait partie des causes qui sont permises. Et puis, on ne doit pas se remettre ou s'appuyer sur les causes, ou mettre notre confiance sur les causes elles-mêmes, mais on doit mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Car c'est lui qui fait que les causes se produisent, et c'est lui qui crée l'effet et la cause. Donc, c'est ce que les chefs le font. Donc, par exemple, si je vais mettre mon commerce ou mon affaire entre les mains du frère Hamad, et je vais lui dire de s'en occuper pour moi, je ne dois pas croire que le succès dans cette affaire va venir de Muhammad. Je dois croire que le succès de cette affaire va venir d'Allah. Et donc, si je veux qu'il fasse du profit, et je veux qu'il vende beaucoup, et qu'il soit, que mon commerce ait beaucoup de profit, donc c'est en Allah que je dois espérer pour ça. C'est pas en Muhammad, ou en frère, que je vais donner la responsabilité de faire le commerce en masse. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé la cause et l'effet. Et donc c'est en Allah qu'il faut espérer la chose. Après le chef il continue et il explique. Donc ça c'était les trois points, les trois degrés. Ok, puis là il continue et il explique. والتوكل على الله في دفع المضار وتحصيل الأرزاق ما لا يقدر عليه إلا الله هو من أعظم أنواع العبادة والتوكل على غيره في ذلك شرك أكبر قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فأمر سبحانه بالتوكل عليه وحده لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وجعل التوكل عليه شرطا في وجعل التوكل عليه وجعل التوكل عليه شرطا في الإيمان كما جعله شرطا في الإسلام في قوله تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فدل على انتفاء الإيمان والإسلام عمن لم يتوكل على الله أو توكل على غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو من أصحاب القبور والأضرحة وسائر الأوثان. Donc ça c'est un point très important que le chef a expliqué. Il dit que de mettre sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de nous éloigner de qu'est-ce qui peut nous nuire ou de nous faire venir une subsistance dans ce que seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire, et bien ça fait partie des plus grandes formes d'adoration. Et le tawakkul, de mettre notre confiance en autre que Allah dans ces choses-là, fait partie du shirk qui est majeur, qui fait que quelqu'un soit plus musulman s'il le fait. Et après le shirk, il dit, قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. Dans ce verset-là, Allah dit, c'est à Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes croyant. فأمر الله سبحانه وتعالى بالتوكل عليه وحده. الله سبحانه وتعالى dans ce verset-là, il nous demande de mettre sa confiance en lui seul. Et il dit pourquoi, c'est quoi la preuve qu'il nous demande de mettre notre confiance en lui seul dans ce verset-là? Parce que, en fait, dans ce verset, c'est pas mentionné seul. Allah وحده. C'est pas mentionné وحده. Sauf que, sauf que la façon dont la phrase est formée, on comprend que ça implique ça. Pourquoi? Parce que le cheikh il dit « لِأَنَّ تَقْدِيمُ الْمَعْمُولِ يُفِيدُ الْحَصْرِ » Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit « فَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ » Il a dit « وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا » D'accord? Donc, il a, c'est comme si la personne en qui on doit mettre sa confiance est placée avant le verbe. Donc ça, ça implique que c'est lui seul, en lui seul que tu dois mettre sa confiance. C'est comme par exemple dans le verset dans Surat al-Fatiha, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas dit « Na'buduka wa nasta'inuka » Allah n'a pas dit par exemple « Nous t'adorons et nous cherchons ton support ou ta protection. » Il a dit « Iyaka na'budu » C'est seulement toi que nous adorons. Iyaka na'bud. Il n'a pas dit na'buduk. Tu comprends? Et quand on utilise cette forme de mettre la personne en qui on cherche l'aide ou le support avant le verbe, ça implique que c'est une limitation. C'est le hasr en arabe. Ça veut dire que tu spécifies que c'est seulement en Allah subhanahu wa ta'ala que tu dois mettre ta confiance et c'est seulement Allah que tu dois adorer. Iyaka nasta'in, iyaka na'bud. Il n'a pas dit na'buduka, ou nasta'inuka. Non. Donc, ça c'est une des choses qui est importante à comprendre dans la langue arabe. Ça nous aide à comprendre le Coran. Donc, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa 'ala Allahi fatawakkalu, ça veut dire mettez votre confiance en Allah seul, pas en personne d'autre que lui. C'est ce que ça signifie. Et après, le cheikh il dit, وَجَعَلْ تَوَكُّلِ عَلَيْهِ شَرْطًا فِي الْإِيمَانِ Allah a fait du fait de mettre sa confiance en Allah, il a fait de ça une condition dans la foi. C'est-à-dire, celui qui ne met pas sa confiance en Allah, il n'est pas croyant. Et après, il dit, كَمَا جَعَلَهُ شَرْطًا فِي الْإِسْلَامِ Et de la même façon que c'est une condition dans l'islam aussi. Tu comprends? Parce que pour que quelqu'un soit musulman, pour que quelqu'un soit croyant, il doit mettre sa confiance en Allah, mais aussi pour qu'on puisse dire qu'il est musulman en partant, aussi il doit mettre sa confiance en Allah. La preuve de ça, c'est dans le verset dans lequel Allah dit وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ Donc, Allah dit, et Moussa a dit, « Oh mon peuple, si vous êtes croyant en Allah, alors en lui mettez votre confiance. » Il n'a pas dit « Mettez votre confiance en lui. » Parce que s'il dit « Mettez votre confiance en lui », ça pourrait impliquer aussi en lui et en autre que lui. Mais le fait qu'il a dit « En lui, mettez votre confiance », c'est-à-dire ça élimine toute autre chose en quoi on pourrait mettre notre confiance, d'accord? Et il a dit à la fin du verset, in kuntum muslimin, si vous êtes des musulmans. Donc, c'est une condition pour être musulman aussi. Ça dalla al intifa al iman wal islam amman lam yatawakkal ala Allah. Il dit donc ce verset-là et l'autre enfin, ça prouve que celui qui met pas sa confiance en Allah ou qui met sa confiance en Allah et en d'autres personnes que en lui, alors il a nié sa foi et son islam. Et comme par exemple ceux qui mettent leur confiance en les gens qui sont enterrés dans les tombeaux, ou les idoles, ou les autres choses qui sont adorées parmi les êtres humains, ceux-là, ils ont nié leur foi et leur islam. Et après le cheikh il dit فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ فَرِيضَةٌ يَجِبُ إِخْلَاصُهَا لِلَّهِ وَهُوَ أَجْمَعُ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ وَعَلَى الْمَقَامَاتِ وَأَعْلَى مَقَامَاتِ التَّوْحِيدِ وَأَعْظَمُهَا وَأَجَلُّهَا وَهُوَ أَجْمَعُ أَنْوَاعِ التَّوْحِيدِ وَلِمَا يَنْشَأُ عَنْهُ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره الدينية والدنيوية دون ما سواه صح إخلاصه ومعاملته مع الله. Donc le cheikh il dit et il répète que le tawakkul yani c'est une des obligations qui une des choses qui est obligatoire de rendre pur pour Allah seul et que c'est une des adorations qui est la plus complète parmi les adorations et qu'elle est une des plus élevées parmi les niveaux du tawhid et une de ses plus grandes et plus des plus nobles yani parmi les formes d'adoration. Et puis après il dit parce que de cette adoration-là sortent beaucoup de bonnes œuvres qu'on peut faire. فإنه إذا اعتمد على الله في جميع أموره. نعم. Donc, lorsque une personne met sa confiance à Allah SWT dans toutes ses affaires, que ce soit des choses de la religion ou de la vie, et qu'il met sa confiance à Allah dans ça, يعني دون كل ما سواه يعني en dehors de tout autre que Allah SWT il rejette ou il refuse de mettre sa confiance en personne autre que Allah SWT, alors dans ce cas-là son ikhlas et sa sincérité et ses actions seront plus sincères pour Allah SWT. Et après il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما رجا أحد مخلوقا ولا توكل عليه إلا خاب ظنه فيه. Ibn Taymiyyah il a dit, il n'y a personne qui met sa confiance en une autre créature ou qui met sa confiance en elle et qui dépend sur elle, excepté que son espérance en cette personne-là est déçue. Tu comprends? Parce que, yani, peu importe en qui tu mets ta confiance, yani, c'est une créature. Si tu mets ta confiance en autre que Allah, yani c'est une créature. Et il peut toujours y arriver quelque chose qui fait que la personne en qui tu as mis ta confiance ne soit pas capable d'accomplir la chose que tu lui as demandé. Donc tu seras toujours déçu si tu mets ta confiance en autre que Allah. Par exemple, tu peux compter sur quelqu'un pour te rendre un service. Et c'est un service très important. C'est quelque chose, yani, très très très très très important pour toi, que la personne doit te rendre ce service à un tel moment, à une heure fixe, et si elle ne te rend pas ce service-là à ce moment-là, tes projets vont être détruits, et tu ne seras plus capable d'arriver à accomplir ton projet. Yani. Alors là, tu as une grande confiance en cette personne, sauf que la personne, alors qu'elle arrive pour venir te rejoindre, elle a un accident, elle meurt. Alors, toi, tu avais mis ta confiance en cette personne, mais, yani, étant donné que cette personne-là est une créature, elle n'a pas le pouvoir sur tout ce qui se passe autour d'elle, elle ne sait pas quand elle va mourir. Alors, c'est pour cette raison-là que tu dois toujours mettre ta confiance en le Créateur, en Allah, que c'est lui seul qui, yani, ne meurt pas et qui est capable toujours de t'aider s'il y a un problème. Tandis que toutes les autres créatures, il leur arrive des problèmes, il leur arrive des empêchements comme yani, à toutes les autres créatures. Peut-être qu'elle a un accident, peut-être qu'elle est malade, peut-être qu'elle a un oubli, peut-être qu'elle a une faiblesse, peut-être qu'elle a un empêchement qui fait que la personne n'est pas capable de remplir sa parole. Alors, c'est pour ça que yani, Ibn Taymiyyah elle dit, toute personne qui met sa confiance ou qui espère en une autre créature, eh bien, il va finir par être déçu. Ok? Et après, le cheikh dit, « وَالتَّوَكُلُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَعْظَمِ مَنَازِلْ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ فَلَا يَحْصُلُ كَمَالُ التَّوْحِيدِ بِأَنْوَاعِ الثَّلَاثَةِ إِلَّا بِكَمَالِ التَّوَكُلِ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. Donc, le cheikh il explique, il dit que, yani, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, c'est un verset dans Surat al-Fatiha, qui signifie, c'est toi seul, ô Allah, que nous adorons, et c'est toi seul, ô Allah, en qui nous demandons l'aide. Hein? Alors, ce verset-là seulement, yani, il résume la religion au complet, la religion de l'islam au complet. Et c'est là-dessus que l'islam se base. Et il y a un des ulamas de l'islam qui a écrit un livre pour expliquer ce verset-là seulement. Et il a trois volumes. C'est un livre qui s'appelle I'lam al-Muwaqqi'in. C'est pas I'lam al-Muwaqqi'in, c'est Madarij al-Salikin. C'est Manazil Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Donc, il a expliqué tous les degrés de ce verset-là. Qu'est-ce que ce verset-là implique dans l'islam en trois volumes. Et puis, c'est pour ça que le cheikh il fait allusion à ça en disant que de mettre sa confiance en Allah, c'est un des plus grands degrés d'explication de ce verset-là. Hein? Parce que quand on dit « Iyyaka nasta'in », ça veut dire que yani, c'est en seulement à Allah qu'on doit demander de l'aide. Donc c'est en Allah seul qu'on doit chercher à mettre sa confiance. « Fala yahsulu kamal al-tawhid » et la perfection du tawhid dans ces trois degrés de tawhid, comme on les a appris déjà, ben on est rendu à tawhid al-uluhiyya qui est le deuxième degré de tawhid. Mais yani, la perfection de ces trois degrés de tawhid là, elle peut jamais être atteinte sans avoir la confiance uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. C'est lui le Seigneur de l'Orient et de l'Occident. Il n'y a pas d'autre qui mérite de l'adoration autre que lui. Alors prenez-le lui comme garant, c'est-à-dire mettez en lui votre confiance, en lui seul. Hein? Et dans une autre ayat, Allah s'en a dit, le Cheikh dit, « وَالْآيَاتُ فِي الْأَمْرِ بِهِ كَثِيرَةٌ جِدًّا » Il y a beaucoup d'autres versets qui ordonnent aux gens de mettre leur confiance en Allah, comme il en cite un autre, « قَالَ تَعَلَى وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِهُ أَمْرِهُ » Donc, Allah s.w.t. dit, celui qui met sa confiance en Allah, alors Allah s.w.t. lui suffit. Et Allah s.w.t. c'est lui qui va faire atteindre son but, yani son ordre. C'est lui qui va le faire arriver à terme. Et, قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان ودل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. Donc le Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, celui qui a écrit le livre Madarij al-Salikin, et bien lui justement il explique ce verset-là, وعلى الله فتوكلوا, et c'est en Allah que vous devez mettre votre confiance si vous êtes vraiment des mu'minins, des croyants. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de mettre sa confiance en Allah une condition pour la foi. Et il a nié cette foi si le tawakkul est absent. Donc, la foi est présente si tu mets ta confiance en Allah, mais si tu mets pas ta confiance en Allah seul, ta foi est absente, c'est-à-dire que tu n'as pas de foi. Tu ne crois pas vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une chose qui nous fait encore comprendre encore plus la signification de dire « La ilaha illallah ». Parce que pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui ne croient pas en Allah ou beaucoup de gens qui disent reconnaître l'existence de Dieu ne sont pas des croyants en Allah. Pourquoi? Parce que, comme on voit dans ce passage, cette explication, celui qui met pas sa confiance en Allah ou qui met sa confiance en autre qu'Allah avec Allah, il n'est pas croyant. Donc, le fait de juste dire je reconnais l'existence d'un créateur ou d'un Dieu, est-ce que ça veut dire que tu mets ta confiance en lui? Non. Il y a beaucoup de kuffars qui disent je crois en l'existence d'un Dieu. Je crois qu'il y a un créateur qui a tout fait le monde. Sauf qu'il n'a pas sa confiance en Allah. Hein? Il n'espère pas en Allah, il espère en d'autres que lui. Donc ça prouve que dans cette explication-là que yani, c'est pas suffisant pour dire qu'on croit à Allah de juste dire je reconnais son existence. Il faut aussi l'adorer. Il faut aussi mettre sa confiance en lui. D'accord? Et après le cheikh il dit وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل ضعيفا كان دليلا على ضعف الإيمان ولا بد. Donc, c'est toujours en rapport avec la foi. Et C'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre la foi et la confiance qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala. Plus notre foi augmente, plus notre confiance en Allah augmente. Plus notre foi diminue, ou plus notre confiance en Allah diminue, et bien vice versa, yani. Notre foi diminue et notre confiance en Allah diminue. Les deux sont reliés, yani. Et après, il dit, والله تعالى في مواضع كثيرة أو في مواضع من كتابه يجمع بين التوكل والعبادة وبين التوكل والإيمان وبين التوكل والتقوى وبين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dans beaucoup d'endroits dans le livre, dans le Coran, il a mentionné que, ou bien il a mentionné التوكل et العبادة ensemble. Et il a mentionné التوكل et الإيمان ensemble. Et il a mentionné التوكل et التقوى ensemble. Et aussi التوكل et l'islam. Et التوكل et الهداية, la guidance. Donc, il dit, le chef, il nous apparaît de ça que yani, التوكل fait partie de tous les degrés de la foi et de l'ihsan et de toutes les actions de l'islam qu'on peut faire. Après, il dit, وأن منزلته منها كمنزلة الرأس من الجسد. C'est-à-dire que le degré de yani التوكل dans l'islam c'est comparable à la tête par rapport au corps. D'accord? Parce que yani comme le cheikh il dit comme il ne peut pas un corps peut pas tenir sans tête et la même chose yani la foi elle ne peut pas tenir yani sans la confiance qu'on a en Allah subhanahu wa ta'ala. وقد جعل الله التوكل عليه من أبرز صفات المؤمنين فقال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله سبحانه وتعالى a fait de التوكل de mettre sa confiance en lui une des plus grandes descriptions et caractéristiques des croyants. Allah سبحانه وتعالى a dit: Seuls sont croyants ceux que lorsqu'on leur récite les versets d'Allah, eh bien leur cœur frémisse. Et lorsque nos versets leur sont récités, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Donc ça c'est des descriptions des vrais croyants, hein. Et yani Allah dit que si tu es croyant, si tu es un vrai croyant, tu dois avoir ces caractéristiques-là. Et comme caractéristique qu'il a mentionné, c'est la caractéristique de mettre notre confiance en notre Seigneur. Donc ça veut dire que la tawakkul fait partie de la caractéristique des croyants. Et après, il dit, le chef, « Ey, ya'tamiduna alayhi biqulubihim, fala yarduna siwahu. » Donc, ils mettent en Allah, ils mettent leur confiance, ils dépendent sur Allah et ils n'espèrent personne d'autre qu'en lui. Voici l'ayah, وَصْفُ الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا بِثَلَاثَةِ مَقَامَاتٍ مِنْ مَقَامَاتِ الْإِحْسَانِ وَهِيَ الْخَوْفُ وَزِيَادَةُ الْإِيمَانِ وَالتَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ. Donc, il dit dans le cheikh, et dans cette ayah, dans ce verset, il y a la description des croyants qui sont vraiment croyants, avec trois des niveaux parmi les niveaux de al-ihsan, yani des niveaux qui sont les plus hauts niveaux de la foi, et c'est al-khawf, c'est-à-dire de craindre Allah, d'avoir l'augmentation dans notre foi, c'est-à-dire quand on entend les versets d'Allah, notre foi elle augmente, et at-tawakkul 'ala Allah wahda, hein, de mettre en Allah seul notre confiance. Et puis on le sent souvent, notre foi, quand elle est forte. Parce que, quand notre foi, quand elle augmente, on dirait que des choses deviennent plus faciles à faire pour nous, parmi les choses que Allah nous ordonne de faire. on sent que, yani, on est plus capable de faire des actions bonnes et qu'elles sont plus faciles pour nous à les faire quand on est dans cet état-là, qu'on sent notre foi augmenter. Tandis que parfois, on a une paresse ou on a une sorte de faiblesse où on est distrait. Alors ça, ça veut dire que notre foi, elle est plus basse. Elle n'est pas à son niveau ordinaire ou elle n'est pas très, très élevée. Donc c'est comme ça qu'on peut voir quand notre foi augmente et quand notre foi diminue, c'est comment on approche les adorations quand on doit les faire. Et il y a des jours où on sent qu'on a hâte de faire la salat, on a hâte de lire le Coran, on a comme envie, on a comme soif de faire ça. Et il y a d'autres jours où on se sent un peu plus paresseux, on a moins envie de faire ces choses-là, parce que yani, l'iman, la foi, c'est pas une chose qui est stable, c'est pas une chose qui est toujours au même degré, c'est une chose qui augmente et qui diminue. C'est pour ça que yani, Allah il mentionne dans le Coran que lorsque les croyants entendent le Coran, cela augmente leur iman. Hein? Et donc ça, tout ça s'est relié ensemble. Après le cheikh il dit وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ لَا يُنَافِي السَّعِي فِي الْأَسْبَابِ وَالْأَخْذِ بِهَا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدَّرَ مَقْدُورَاتٍ مَرْبُوطَةً بِأَسْبَابٍ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِتَعَاطِي الْأَسْبَابِ مَعَ أَمْرِهِ بِالتَّوَكُّلِ فَالْأَخْذُ بِالْأَسْبَابِ طَاعَةٌ لِلَّهِ لِأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِذَلِكَ وهو من عمل الجوارح والتوكل على والتوكل من عمل القلب وهو إيمان بالله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وقال تعالى وأعد لكم ما استطعتم من قوة وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله donc le cheikh dit de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ne nie pas le fait qu'on doit faire des efforts pour arriver, pour prendre les moyens nécessaires pour arriver à notre but. D'accord? Ça veut pas dire que quand on met notre confiance en Allah, on s'assoit puis on attend quelque chose sans faire les moyens pour y arriver. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déterminé des choses dans ce monde, il a prédestiné des choses, mais il les a attachées aux moyens. D'accord? Comme par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné, yani, de prendre les moyens nécessaires pour avoir quelque chose, en même temps qu'il nous a ordonné de mettre sa confiance en lui. D'accord? Alors, les deux sont reliés ensemble. Le cheikh il dit après, donc on doit prendre les moyens nécessaires pour adorer Allah. Et de prendre les moyens, ça fait partie aussi de l'obéissance à Allah. Parce que Allah nous l'a ordonné. Et ça, ça fait partie des actions de notre corps. Alors que de mettre sa confiance en Allah fait partie des actions du cœur. Et ça fait partie, et c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit par exemple dans le Coran, dans سورة النساء يزي يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم أو لكوايا أو vous qui prenez vos précautions faites attention يعني. Donc de prendre ces précautions de se préparer fait partie de la foi d'obéissance à Allah d'accord donc même si nous dans d'autres versets il nous demande de mettre sa confiance en lui mais aussi dans d'autres versets il nous demande de prendre les moyens nécessaires pour arriver à avoir qu'est-ce qu'il nous demande. D'accord? Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, par exemple, de nous préparer matériellement, militairement, physiquement, contre nos ennemis. Il ne nous demande pas seulement de rester assis, par exemple, et de dire Allah va nous donner la victoire sans que nous-mêmes on ne prenne pas les moyens d'arriver à être prêts. Non, ce n'est pas comme ça. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Et lorsque la prière de Jumu'ah est terminée, alors dispersez-vous sur la terre et cherchez les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah, il nous demande de, yani, quand on a terminé la salat, d'aller, de travailler, de faire du commerce, de faire d'autres choses, dans le but d'acquérir les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. c'est pas seulement que tu restes à la mosquée, par exemple, pour adorer, prier, faire les fa'at, ibadat, et puis après tu dis, Allah va me donner ma subsistance juste en restant assis ou en faisant la fa'at. Non, tu dois travailler aussi. Et tout ça, ça fait partie de prendre les moyens nécessaires qu'Allah nous a donnés, qui sont halal et qui sont réels, pour arriver à acquérir quelque chose qu'on a besoin dans cette vie. Donc, par exemple, si quelqu'un dit, moi je vais avoir un enfant et qu'il reste assis et qu'il n'essaie pas de se marier, qu'il n'essaie pas d'avoir une femme, est-ce qu'il va avoir un enfant? C'est impossible. Alors, c'est la même chose, Yanni, pour les autres choses dans cette vie. Tu dois mettre ta confiance à Allah si tu veux avoir un enfant. Tu ne dois pas croire que, Yanni, c'est seulement par ta propre force et par tes propres moyens, Yanni, seulement par toi-même, parce que si tu décides que tu vas être capable de l'avoir, même si tu as une femme et que tu essaies d'avoir des enfants avec elle, sans la volonté d'Allah et sans mettre ta confiance à Allah, tu ne vas pas les avoir. Pour ça, c'est seulement si Allah le veut, qui le permet, que tu peux avoir. Peut-être que ta femme est stérile, peut-être que toi tu es stérile, peut-être que tu as d'autres choses qui font que tu ne peux pas avoir d'enfants. Donc, peu importe ce que tu fais, tu dois mettre ta confiance à Allah pour l'avoir. Sauf que sans prendre les moyens nécessaires, qui sont légaux, qui sont permis par Allah, alors de la même façon aussi, tu ne peux pas avoir ce que tu veux, des deux sens. Et après, le cheikh il dit, « قال بعض العلماء من طعن في الحركة يعني في السعي والكسب والأخذ بالأسباب فقد طعن في السنة ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. » Le cheikh il dit, parmi les ulama, il y en a qui ont dit que celui qui critique le fait d'agir, de faire des mouvements, comme par exemple de faire des efforts, de chercher notre subsistance, de travailler, de prendre les moyens nécessaires pour arriver à ce qu'on veut, celui qui attaque ça, qui critique ça, ben c'est comme s'il a critiqué la sunna. Et la sunna, c'est bien au sens large, au sens de l'islam. Et au moins pas un affaire de tawakkul, celui qui critique le fait de mettre sa confiance à Allah, ben c'est comme s'il a critiqué la foi. Parce qu'il y en a des gens comme ça, parmi certains matérialistes ou même parmi certains peut-être modernistes, des écrivains modernes, qui critiquent les musulmans parce qu'ils mettent leur confiance en Allah. Donc eux, ils veulent seulement se reposer uniquement sur les moyens matériels et rien d'autre. Pour eux, c'est toute une question physique et tout est expliqué par des lois mathématiques et tout ça. Il n'y a pas de place pour Allah. Il n'y a pas de place pour le fait que c'est Allah seul qui décide. Tu vois, juste pour donner un exemple, la NASA peut-être a envoyé une sonde sur Mars. Ils ont fait tous les calculs, toutes les choses. Et puis, arrivé là-bas, la sonde, elle fonctionne plus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à leurs calculs? Ils n'ont pas mis leur confiance en Allah. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il dit, qu'est-ce qui fait que, à un tel moment, si toutes les voitures qu'on achète aujourd'hui sont fabriquées, sont calculées par des ingénieurs, qui connaissent bien leur métier et tout ça, et qu'il y a aussi des probabilités d'erreur et de défauts dans les pièces, dans les choses comme ça, et que tout ça a été pris en considération. Comment on peut comprendre que après quelques temps, il y a des problèmes dans la voiture tout d'un coup? C'est pour ça qu'on voit que l'être humain, peu importe le niveau de perfection qu'il essaie d'atteindre, il y a toujours des faiblesses, il y a toujours des choses qu'il a oubliées, il y a toujours des choses qu'il a mal calculées, il y a toujours des choses qui viennent contre sa volonté. C'est pour ça qu'à la fin, peu importe comment on pense être intelligent ou comment on pense être élevé dans notre connaissance, il ne faut pas seulement prendre les moyens matériels et dire ça, ça suffit, on oublie là, le reste. Non, il faut mettre la confiance en Allah, peu importe à quel niveau on est. On prend les moyens et on met notre confiance à Allah. Après, il mentionne la parole de Cheikh Ibn Rajab, rahimahullah, il dit, « قال الإمام ابن رجب, رحمه الله, والأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام. أحدها الطاعات التي أمر الله بها عباده وجعلها سببا للنجاة من النار والدخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما شاء الله وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فمن قصر في شيء من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة قدرا وشرعا. الشيخ الزي il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Il dit la première, les actions que les serviteurs d'Allah font se divisent en trois catégories. La première catégorie, c'est les actions que Allah a ordonné à ses serviteurs de faire et que Allah a fait, que Allah a rendu comme étant des conditions ou des moyens pour être sauvé du feu de l'enfer et d'entrer au paradis. Donc, cette première catégorie d'actions-là, ce sont les actions qui sont des moyens pour atteindre le paradis et pour être sauvé de l'enfer. Le chef, il dit, « فَهَذَا لَا بُدَّ مِنْ فِعْلِهِ » Ces actions-là, c'est obligatoire pour nous de les faire. « مَا التَّوَكُّلِ عَلَى اللَّهِ فِيهِ » Et on doit mettre notre confiance en Allah dans ces actions-là, c'est-à-dire, personne ne sait si est-ce que Allah va les accepter de nous ou non. Si on n'est pas sincère, Allah ne les accepte pas, etc. Et aussi, le cheikh il dit, وَلِسْتِعَانَةِ بِهِ عَلَيْهِ de demander à Allah de nous aider dans l'accomplissement de ces actions-là. D'accord? Parce qu'on a toujours besoin de l'aide d'Allah pour l'adorer. فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Il n'y a pas de mouvement ni de puissance dans le monde excepté par Allah SWT. Et وما شاء الله وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن et ce que Allah veut c'est ce qui est et ce qui ne veut pas il n'est pas. Alors celui qui manque, qui a un manquement dans quelque chose de ces actions là eh bien il mérite la punition dans cette vie et dans l'autre, dans la destination et dans la législation. Et après le cheikh il dit وقال يوسف بن أسباط يقال اعمل عمل الرجل لا ينجيه الا عمله وتوكل توكل رجل لا يصيبه الا ما كتب له. Le cheikh il mentionne une parole d'un autre des salafs qui s'appelle Yusuf ibn Asbar. Il dit agis comme un homme dont rien ne peut le sauver, excepté ses actions, mais mets ta confiance en Allah comme un homme qui croit que rien ne peut l'atteindre, excepté ce qu'Allah a écrit pour lui. En voulant dire rien, c'est comme, je ne sais pas si vous comprenez, le cheikh il dit, par exemple, fais tes actions comme si seulement tes actions peuvent te sauver. En fait, on sait que ce n'est pas seulement tes actions qui peuvent te sauver. Mais il dit ça comme un exemple. Quand tu fais tes actions, fais comme si c'est seulement tes actions qui pourraient te sauver. Et mets ta confiance à Allah comme si c'est seulement ce que Allah qui t'a écrit pour toi qui va t'atteindre. Et ça, c'est la réalité. Mais quand tu vas agir de cette façon-là, c'est là que tu vas rejoindre les deux aspects. Tu vas être capable de compléter ton tawakkul et en même temps de rester dans la piété. Tu comprends? Le deuxième degré ou la deuxième catégorie des actions que Ibn Rajab mentionne, il dit والثاني ما أجر الله العاد به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستغلال من الحر والتدفئة من البرد. Ok, ça c'est la deuxième catégorie. ونحو ذلك فهذا أيضا واجب على العبد تعاطي أسبابه. ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه من مع القدرة على استعماله فهو مفرط أو مفرط يستحق العقوبة. Le Cheikh il dit, dans les deuxième catégorie d'actions que les serviteurs font, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a établi comme ordre, yani dans cette dunya, et qu'il a ordonné à ses serviteurs d'accomplir, yani, ou de respecter. Comme par exemple, de manger lorsque tu as faim, de boire lorsque tu as soif, de chercher de l'ombre lorsqu'il fait chaud, de chercher à te réchauffer lorsqu'il fait froid, toutes ces choses-là. Alors ça, c'est, il dit, ça c'est obligatoire pour les serviteurs de le faire. Ok? Et celui qui néglige quelque chose dans ça et qui à la fin se fait du mal parce qu'il a abandonné ça alors qu'il était capable de le faire, alors il dit, alors il mérite une punition pour ça. D'accord? Parce qu'il y a peut-être certains parmi Soufia, parmi les gens de Tassawuf, qui pensent que en laissant tomber ces choses-là, il y a quelque chose de valable ou de valorisant, ouais. Comme par exemple quelqu'un qui dit, il fait froid, mais je vais pas mettre manteau parce que je vais endurer le froid. Tu vois. Ou bien qui dit, j'ai faim, mais je vais pas manger parce que je vais endurer la faim. Ou des choses comme ça. Il y a des gens qui pensent que, en faisant ça, dans ces choses-là, il y a quelque chose de valorisant ou quelque chose de bien que Allah aime. Et puis, si la personne tombe malade ou a un mal à cause de ça, alors qu'il avait la capacité de se protéger ou d'éviter ça, alors il n'y a pas aucune récompense spéciale pour lui d'avoir fait ça. Et en fait, au contraire, même il sera peut-être puni pour avoir fait ça. Et le chef il dit, لكن الله سبحانه وتعالى يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى أو لا يقوي عليه غيره. فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه. Donc il dit, par contre, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu certains de ses serviteurs, il leur a donné plus de force que d'autres à faire certaines de ces choses-là, par exemple. Alors si quelqu'un agit dans la limite de qu'est-ce qu'il est de sa force et qu'est-ce qui lui est particulier dans cette chose-là que d'autres sont pas capables de faire, alors il n'y a pas de problème pour lui de le faire. D'accord? Si une personne, par exemple, a une résistance à la faim plus forte que la normale, ou qu'il est capable de rester, par exemple, sans manger plus longtemps et tout, donc dans ce cas-là, s'il est capable de le faire, il n'y a pas de problème. Il dit, « وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. » Donc, le Cheikh le mentionne, il dit, c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il continuait son jeûne, il ne brisait pas son jeûne. Parfois, il continuait à jeûner même après le maghrib. Et puis, il disait, il interdisait à ses sahabas de faire ça, et il disait, je ne suis pas comme vous, moi je suis nourri et je suis abreuvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, « وَقَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلَفِ لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم فمن كان له قوة فعمل بمقتضى قوته ولم يضعف ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه ومن كلف نفسه حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. Donc le Cheikh il dit, beaucoup parmi les salaf, yani parmi les prédécesseurs, les premiers musulmans, il y en avait parmi eux qui avaient une force, une grande force. Ils étaient capables d'abandonner la nourriture et de boire pendant une longue période. Et ça, c'était pas tout le monde parmi eux qui était capable de le faire. Donc, celui qui a une force, qui est capable de faire cette chose-là, et qui agit selon sa force, sans que cela ne l'affaiblisse, d'accomplir ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à Allah, alors il n'y a pas de problème de le faire. Mais celui qui se met ça sur lui-même, qui s'oblige à faire ces choses-là, et qui s'affaiblit en le faisant, et que cela l'affaiblit au point qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il est obligatoire de faire, alors dans ce cas-là, on doit le réprimander quand il fait des choses comme ça. Et la troisième catégorie des actions, le Cheikh il dit, « والقسم الثالث ما أجرى الله العادى به في الدنيا في الأعم والأغلب. » Il dit ce qu'Allah a fait comme habitude ou comme base dans la dunya, yani dans cette vie, dans les choses générales et les choses plus générales dans la vie, yani des causes et effets, ou de prendre des moyens, ou comme on a dit tout à l'heure, le mariage, des choses comme ça. Il a un qal, le cheikh a dit ensuite, وقد روي عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون فيحجون فيأتون مكة ويسألون الناس فأنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Il donne un exemple qui est rapporté selon Ibn Abbas dans lequel il dit il y a des gens du Yémen qui venaient faire le Hajj à Mecca et ils venaient sans aucune nourriture avec eux. Ça veut dire qu'ils n'amenaient pas avec eux des provisions, exactement. Donc, ils disaient, nous mettons notre confiance à Allah. Alors, ils faisaient le Hajj et ils arrivaient à Mecca et ils mendiaient. Ils demandaient aux gens. Alors, Allah a fait descendre le verset وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Et prenez des provisions, et car la meilleure des provisions est la piété. Donc, Allah leur ordonne aux croyants de prendre des provisions. Et, yani, qu'est-ce qu'eux, ils faisaient, en fait? C'est une contradiction. Tu peux pas dire, je mets ma confiance à Allah, puis une fois arrivé, tu demandes aux gens. Yani, subhanallah, ça fait pas de sens. Après, le cheikh, il dit, وَقَدْ سُئِلَ أَحْمَدْ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَنْ يَقْعُدْ وَلَا يَكْتَسِبْ. نعم. من عنده سؤال؟ وقد سئل أحمد رحمه الله عن من يقعد ولا يكتسب ويقول توكلت على الله فقال ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله وعليكم السلام ورحمة الله. Donc il dit que quelqu'un a demandé à l'imam Ahmad rahimahullah à propos de celui qui s'assoit et qui ne cherche pas à travailler pour avoir de l'argent. Alors et qui dit je mets ma confiance à Allah. Alors il a dit il est obligatoire aux gens, à tous les gens de mettre leur confiance à Allah. Mais par contre, ils doivent aussi essayer de trouver un moyen de gagner de l'argent, de travailler. Et pas seulement de dire je mets ma confiance à Allah. Et il dit, même les prophètes travaillaient pour gagner de l'argent. D'accord ? Après le shir, il dit, même les prophètes, ils travaillaient, ils gagnaient de l'argent, et même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de même que Abu Bakr et Omar, et il ne disait pas on va s'asseoir et Allah va nous donner la subsistance. Non, c'est pas comme ça, Yann, que ça fonctionne. Après, le cheikh il mentionne, il dit وَقَالَ تَعَالَى فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Allah dit dans le Coran, dispersez-vous sur la terre et cherchez les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne un hadith et il dit وخرج الترمذي من حديث أنس قال قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل قال أعقلها وتوكل. C'est une histoire rapportée dans Sunan al-Tirmidhi, rapportée selon Anas. Et c'est un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en entrant dans la mosquée, il avait laissé son chameau, sa chamelle en arrière, dehors, devant la mosquée. Il a dit, Ya Rasulallah, j'ai laissé mon chameau derrière, devant la mosquée. Est-ce que je dois la cacher et mettre ma confiance en Allah, ou bien je dois la laisser libre et mettre ma confiance en Allah? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, attache-la et mets ta confiance en Allah. Donc c'est comme ça. Exactement. Ensuite, tu mets ta confiance en Allah. C'est comme ça. Par exemple, tu prends ta voiture, tu laisses les clés dans la serrure, ou bien tu laisses les clés dans le démarrage, et puis tu laisses la porte démarrer, tu rentres à la mosquée, tu dis je mets ma confiance en Allah. Ça c'est pas logique. Hein. Tu dois prendre les moyens nécessaires pour que personne n'apprenne. Ensuite, tu mets ta confiance en Allah. Si tu barres la voiture, tu enlèves les clés, tu les mets dans ta poche, tu barres les portes, tu mets le système d'alarme. Tu mets le système d'alarme. Et puis ensuite, là, tu rentres à la mosquée. Là, tu dis, j'ai mis ma confiance à Allah, que personne ne la vole. Mais si tu as mis tu as tout fait, tu as barré les portes, tu as mis l'alarme et tout, malgré ça, quelqu'un la vole, c'est Allah qui l'a destiné, tu comprends? Sauf que, si tu ne prends pas les moyens nécessaires pour éviter que quelqu'un la vole, alors dans ce cas-là, c'est toi-même en partant qui est faux, qui est fautif. Et tu n'as pas réellement mis ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas ça que ça signifie mettre sa confiance en Allah. Alors, après, qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il expliquait ça. Il dit, فَهَذَا كُلُّهُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّ التَّوَكُّلَ لَا يُنَافِي الْإِتْيَانِ بِالْأَسْبَابِ الْمُبَاحَةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ جَمْعُهَا أَفْضَلِ. Il a dit, ce hadith nous explique que le fait de prendre les moyens qui sont permis dans l'islam, de protéger quelque chose, de prendre nos moyens, alors ça, c'est pas en contradiction avec le fait de mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il explique, وَقَدْ لَقِيَ عُمَرْ بْنِ الْخَطَّابِ جَمَعَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ قَالَ بَلْ أَنْتُمُ الْمُتَأَكِّلُونَ إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله. Donc il a cité l'exemple de Omar ibn al-Khattab, dans lequel il a vu un groupe parmi les gens de Yémen il a vu un des groupes des gens de Yémen et il leur a demandé qui êtes-vous, et ils ont dit nous sommes al-mutawakkilun, c'est-à-dire nous sommes ceux qui ont mis leur confiance uniquement à Allah. Alors, Omar ibn al-Khattab, il leur a répondu et il leur dit, en réalité, vous n'êtes pas les gens qui ont mis leur confiance uniquement à Allah. Car la personne qui met uniquement sa confiance à Allah, c'est celle qui met la semence dans la terre et qui ensuite met sa confiance à Allah. Mais eux, ils n'ont rien fait pour avoir ce qui est nécessaire pour eux d'acquérir, ils n'ont même pas pris les moyens nécessaires, et puis après ils ont dit on espère en Allah. Et ça c'est faux, c'est une contradiction. Tu dois prendre les moyens nécessaires pour arriver à ce que tu veux. Et ça c'est Allah qui nous l'ordonne en même temps. De la même façon qu'il nous ordonne de mettre sa confiance, notre confiance en lui. Donc ça va être ça pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Et puis la semaine prochaine, Inch'Allah, on va continuer et on va expliquer « الشرك في الطاعة » le shirk dans l'obéissance d'autres parmi les êtres humains. Quand c'est contradictoire avec l'obéissance d'Allah, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout ça, c'est bien expliqué. Et je pense que c'est le dernier exemple qu'il mentionne parmi les exemples du chef Akbar. Ensuite, il va expliquer d'autres points qui sont contraires au tawhid, qui sont très intéressants. Donc, nous prions pour aujourd'hui à tous les قولي هذا. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك